إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن من أعظم العبادات عند الله وأرفعها شأنا وأجلها قدرا إقامة الصلاة، فالصلاة ركن الدين والفريضة من الله عز وجل على المسلمين، وهي معارج المؤمنين المتقين، وهي أيضا الصلة بين العبد وربه، وهي أفضل أعمال الإسلام. فلا دين لمن لا صلاة له، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه لا يستهين بأمرها ولا يعرف قدرها ولا يعظم شأنها إلا من نقص تعظيم الله في قلبه، لأن تعظيم قدر الصلاة هو تعظيم لله سبحانه وتعالى. فينبغي على كل مسلم أن يعرف عظم قدر الصلاة، هذه الصلاة التي أوجبها الله عز وجل على عباده. ومما يعرف به قدر الصلاة عند الله أنها الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، فالصلاة عمود الدين كما قال صلى الله عليه وسلم، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. Sachez que parmi les adorations les plus immenses et les plus importantes, celles qui sont les plus élevées, celles qui ont les valeurs, ou celle qui a la valeur ou l'une des valeurs les plus hautes, c'est sans aucun doute la prière, qui est un pilier fondamental de la religion, qui est une obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala envers l'ensemble des musulmans. Et cette prière, c'est également la relation entre Allah et son serviteur. Et c'est parmi les actes pratiques, sans aucun doute, le meilleur. Point de religion à celui qui ne prie pas. Et, comme l'a dit Omar ibn al-Khattab, radiallahu an, celui qui ne prie pas n'a pas sa part dans l'islam. Il ne faut donc pas négliger celle-ci. Quant à celui qui néglige la prière, quant à celui qui ne connaît pas la valeur de la prière, quant à celui qui ne connaît pas l'importance de la prière, eh bien, c'est une personne qui en réalité ne donne pas à Allah Azza wa Jalla la place qu'il a. Et il ne se rend pas compte de l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car de considérer la prière comme quelque chose d'extrêmement important, fait partie des moyens par lesquels tu admets et tu glorifies la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de preuves dans le livre d'Allah, ainsi que dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous montrent l'importance de la prière. C'est comme vous le savez tous, le second pilier de l'islam. Et c'est son pilier central, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tête du commandement, c'est l'islam. Et son pilier central, c'est la prière. ويتجلى تعظيم قدرها أن كل الأحكام والتشريعات شرعت والنبي صلى الله عليه وسلم على أرض الجزيرة العرب على أرض جزيرة العرب وأما الصلاة فلعظم قدرها عند الله سبحانه وتعالى فرضت ليلة المعراج وذلك لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى هكذا فرضت الصلاة فرضت فوق السبع السماوات ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرضت خمس صلوات في العدد باعتبار التكليف والعمل وخمسون في الأجر والثواب فالعشر الحسنة بعشر أمثالها ولا يخفى أن الصلاة أكثر الفرائض والواجبات ذكرا في القرآن الكريم تبيانا لعظم قدرها عند الله ويتجلى أيضا قدر عظم الصلاة أنه لا عذر لأحد على أي حال من الأحوال أن يتركها بخلاف بقية الواجبات والفرائض التي قد يكون لك العذر في تركها كالصيام والحج وغيرهما بل الصلاة لا تترك حتى إذا عجز المسلم عن شروطها وأركانها يصليها ما دام العقل سليما والصلاة لا تسقط بمرض ولا خوف ولا فزع ولا قتال إلا من حيض أو نفاس للمرأة. Et pour que l'importance de la prière soit plus claire encore, l'ensemble des obligations et des législations qui ont été révélées par Allah Azzawajal à son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont eu lieu dans la péninsule arabique. Quant à l'obligation de la prière, elle a eu lieu au-dessus des sept cieux. Ceci pour montrer sa grande importance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est vu ordonner la prière lorsqu'il a fait l'ascension nocturne, lorsqu'il a traversé les ciels, les uns après les autres, en y rencontrant divers prophètes d'Allah alayhi wa sallam, et arrivé auprès d'Allah azawajal, il s'est vu prescrire 5 prières obligatoires qui, lorsqu'elles sont accomplies, c'est la récompense de 50 qui sont accordées. Car, comme vous le savez tous, la bonne action en islam est multipliée au minimum par 10. Et la prière est l'adoration qui a été la plus citée dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour prouver encore une fois son immense importance. Et ce qui prouve également la grande valeur de la prière en islam, c'est qu'il est interdit à quiconque, ou personne n'a d'excuse à ne pas prier, quelles que soient les situations. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, la prière sera pour toi une obligation tant que ton esprit est clair. Tant que tu as ta raison. Et ceci contrairement aux autres obligations de l'islam, comme le jeûne, comme le pèlerinage et comme d'autres adorations qui peuvent être exemptées lorsque la personne n'a pas la capacité de les accomplir. Mais quant à la prière, même si tu n'as pas la possibilité de prier debout, alors prie assis. Si tu n'as pas la possibilité de prier assis, alors prie allongé. Si tu n'as pas la possibilité de prier allongé et de faire des mouvements avec les membres de ton corps, alors bouge la tête si tu le peux. Si tu ne peux pas, alors bouge les yeux. Si tu ne peux pas, alors fais la prière dans l'état dans lequel tu te trouveras. En aucun cas, lorsque ta raison est présente, tu n'as d'excuse à ne pas prier. Ni la maladie est une excuse, ni la peur est une excuse, ni la terreur est une excuse, et bien plus encore, même la guerre n'est pas une excuse. Lorsque tu entends de guerre et que tu combats l'ennemi, eh bien, même pendant ces situations extrêmes, la prière t'est obligatoire. Ainsi Allah Azza wa Jalla a légiféré la prière de la peur. Seule exception, bien sûr, est faite aux femmes qui sont indisposées ou bien celles qui ont leur logis. ولعظم قدر الصلاة أنه شرع للمسلم أن يصلي في أي مكان وعلى أي أرض كان مجتنبا المقابر ومواطن النجاسات إلا أن يتعذر ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وعند السفر الذي هو قطعة من العذاب كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسلم المسافر قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين وكذلك في الحضر رخص له الجمع بين الصلاتين عند وجود الحرج وهذا كله حتى لا يتركها ولأجل الصلاة ولأجل هذه الشعيرة العظيمة بنيت المساجد وشيدت وشرع الأذان وشرعت صلاة الجماعة تعظيما لقدر الصلاة ولعظم قدر الصلاة عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليمها الصبيان إذا بلغوا 7 سنين وضربهم عليها في السن العاشر قال صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 ولا يخفى أن الصلاة كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فراق الدنيا وهو يغالب سكرات الموت تخرج روحه الشريفة عليه الصلاة والسلام وهو مشفق على أمته يجود بنفسه وينادي الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وكانت همه عليه الصلاة والسلام وهو في الرمق الأخير يسأل الناس أو يسأل من حوله من الصحابة هل صلى الناس مر أبا بكر فليصلي بالناس هذا كله بيانا لتعظيم قدر الصلاة. Et pour montrer l'importance de la prière également, c'est que la prière est légiférée en tout lieu, quel que soit l'endroit sur terre où tu te trouves, la prière est pour toi obligatoire. Il faut s'abstenir des cimetières, s'abstenir des endroits dans lesquels stationnent les chameaux, s'abstenir des endroits impurs, s'abstenir des salles de bain et des toilettes. Et si tu n'as pas d'autre solution et que tu te trouves dans une situation extrême et que tu n'as pas d'autre choix, alors et que l'heure de la prière va bientôt partir ou va bientôt se terminer, alors il t'est autorisé de prier même dans les endroits interdits. Mais bien comprendre, les cas de force majeure, les cas extrêmes, et il ne faut pas confondre entre un besoin et un cas de force majeure. Un besoin n'est pas forcément une nécessité ou un cas de force majeure. Ainsi, tu dois accomplir ta prière et tu dois trouver une solution pour que ta prière soit accomplie en temps et en heure, quel que soit l'endroit où tu te trouves, que tu sois à l'école ou que tu sois au travail. Ni l'un ni l'autre n'est une excuse pour délaisser la prière et pour l'accomplir à la fin de son heure. Que ceux donc qui sont à l'école et que ceux donc qui travaillent arrêtent dès aujourd'hui de prier les 5 prières à 21h lorsqu'ils rentrent le soir ou à 20h, car ils n'ont soi-disant pas la possibilité de prier dans leur lieu de travail ou ils n'ont soi-disant pas la possibilité de prier à l'école. Cela n'est pas une excuse, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا » Et la terre m'a été accordée comme un moyen de purification et comme un lieu de prière. La terre d'Allah est vaste. La terre d'Allah est vaste. Il est inconcevable que tu ne puisses pas trouver un endroit où prier. Peut-être est-ce la honte qui t'en empêche. Peut-être est-ce le fait de prier devant des gens non musulmans qui te gênent. Sache que la puissance appartient à Allah, à son envoyé et aux croyants. Tu dois être fier de ta religion. Tu dois être fier de prier. Tu dois être fier de t'humilier devant Allah Azza wa Jal en posant ton front à terre. Ne suis donc pas les insufflations du diable. Ne suis pas la masse des gens. Car comme l'a dit Allah Azza wa Jal, et si tu obéis à la majorité des gens sur terre, ils te détourneront du sentier d'Allah. Ne suis pas les gens qui, pour la plupart, qu'Allah nous en préserve, ne prient pas à l'heure lorsqu'ils travaillent, alors qu'ils en ont la possibilité, alors que s'ils avaient un minimum de bonne conscience, ils auraient cherché un moyen ou un endroit où prier. Ils auraient profité de leur pause du midi pour accomplir leur prière. Et il est autorisé, dans des cas de gêne, lorsque cela est ponctuel, de rassembler les prières même quand tu n'es pas voyageur. Il t'est autorisé, si à l'école tu as un examen de 4 heures, qui n'a pas lieu toute l'année, mais de façon ponctuelle, eh bien, de rassembler tes prières, soit à l'heure de dhuhr, soit à l'heure de l'asr. Lorsque tu travailles et que ce jour-là, eh bien, c'était pour toi une contrainte de faire la prière à l'heure, il y avait beaucoup de travail, beaucoup plus que d'habitude, ou bien que le temps ne te le permettait pas, qu'il faisait froid, qu'il pleuvait ce jour-là, alors il t'est autorisé de façon ponctuelle de rassembler tes prières. Ainsi, l'islam est venu pour faciliter aux gens. Mais les gens ne doivent pas prendre cette facilité que l'islam leur accorde comme un joker pour faire ce qu'ils veulent et pour prier à l'heure qu'ils désirent. Non, Allah Azza wa Jalla a dit « Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta » La prière est envers les croyants une prescription qui doit avoir lieu à des heures bien déterminées. Tu ne pries pas quand tu veux, tu pries quand Allah Azza wa Jal t'a dit de prier. Tu pries comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a enseigné de prier et aux heures auxquelles il t'a enseigné de prier. Et également, ce qui montre l'énorme place de la prière en islam, c'est que c'est pour cette prière que les mosquées sont construites. C'est pour cette prière que l'adhan, l'appel à la prière a été légiféré. Et c'est pour cette prière que la prière en groupe a été légiférée. Et également, ce qui montre l'importance de la prière, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que celle-ci soit enseignée aux enfants lorsqu'ils ont l'âge de 10 ans et qu'ils soient frappés de façon non abusive bien sûr, pour dissuader et non pas pour faire mal à l'âge de 10 ans. Enseignez donc la prière à tes enfants. Et j'allais dire même, apprends d'abord toi à faire la prière, avant de l'enseigner à tes enfants. Car si toi, tu n'as pas étudié cette prière, ou si tu n'as pas appris de façon correcte comment l'accomplir, que vas-tu enseigner à tes enfants? Vas-tu leur enseigner une prière pleine d'erreurs, comme la tienne? Commence donc par corriger ta prière. Demande à ceux qui savent de t'enseigner comment prier et comment accomplissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sa prière. Et pour montrer l'importance de la prière également, c'est l'un des derniers conseils qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il combattait les affres de la mort sallallahu alayhi wa sallam, la chose qui traversait son esprit était la prière, la prière. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait ses derniers souffles de vie, une chose l'a préoccupé et il a dit à ses compagnons radiallahu anhum, les gens ont-ils prié? Les gens ont-ils accompli leur prière? Ordonnez à Abu Bakr de présider la prière et que les gens prient derrière lui. أقول قولي هذا وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وفريضة الصلاة لعظم قدرها كانت فريضة مشتركة بين النبيين فكلهم أمروا بالصلاة قال الله عز وجل عن إبراهيم ولوط ويعقوب وإسماعيل عليهم السلام وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وهي دعوة أبينا إبراهيم حين دعا ربه بقوله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وقال سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وفي كلام الله لموسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وقال الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وقال له الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ولقد وردت الآيات والأحاديث الكثيرة تترى في تأكيد تعظيم قدر الصلاة وفي بيان الوعيد الشديد لمن تركها وضيعها قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال سبحانه وتعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين فأصحاب اليمين في الجنات يتساءلون عن سبب دخول المجرمين سقر وهي جهنم فأول شيء أجاب به هؤلاء المجرمون اعترفوا بذنوبهم في الدنيا وهو ترك الصلاة وتضييعها إلى غير ذلك من الآيات. L'obligation de la prière est une obligation commune à l'ensemble des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal a dit en parlant de Ibrahim, de Lot, de Yaqub et d'Ismaïl alayhim salam, et nous leur révélâmes de faire le bien et d'accomplir la prière. Et il dit subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il cite l'invocation d'Ibrahim alayhi salam, « Oh Allah, fais que je fasse partie de ceux qui accomplissent la prière, ainsi que ma progéniture. » Et Allah Azza wa Jal a dit en parlant de Isa alayhi salam, « Et il m'a ordonné d'accomplir la prière et de m'acquitter de la zakat tant que je suis vivant. » Et Allah Azza wa Jal a dit selon le sens à Moussa alayhi salam, « C'est moi, Allah, point de divinité qui ne mérite d'être adoré que moi. Adore-moi et accomplis la prière pour te rappeler de moi. » Et il a dit subhanahu wa ta'ala à son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon le sens du verset, « Et ordonne à ta famille d'accomplir la prière et redouble de patience dans celle-ci. » Les versets et les hadiths à ce sujet sont extrêmement nombreux. Des versets et des hadiths qui montrent l'importance de la prière, et des versets et des hadiths qui montrent le danger, le grave danger de celui qui délaisse la prière ou de celui qui ne l'accomplit pas comme il se doit. Allah Azza wa Jalla a dit selon le sens. Puis leur succédèrent les générations qui délaissèrent la prière et ont suivi leur passion. Ceux-là connaîtront la perdition. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, sauf les gens de la droite, dans un autre verset, sauf les gens de la droite qui, au paradis, se questionneront et se poseront des questions concernant le sort des transgresseurs. Et ils leur diront, qu'est-ce qui a fait ou qu'est-ce qui vous a plongé dans le saqar? Ils répondirent, nous ne faisions pas partie de ceux qui priaient. Les gens de la droite qui sont les gens du paradis, au milieu de leurs délices et au milieu de leur joie, se poseront la question de quelle est la cause de l'entrée en enfer de ces transgresseurs. Ils leur poseront la question et la première chose qu'ils répondront, c'est qu'ils ne faisaient pas partie de ceux qui priaient. Wa la hadith sahiha fi dhalika aydan kathira. يقول عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله ويقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله وقال عليه الصلاة والسلام ليس بين الرجل والكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة فترك الصلاة أيها المسلمون والمسلمات ليس بالأمر الهين كما يعتبره بعض الناس فإن ترك الصلاة جرم كبير وشنيع ومنكر خطير وفظيع قد يؤدي والعياذ بالله إلى الردة عن الدين واللحوق بالمشركين فتارك الصلاة قد هدم عمود الدين وفتح على نفسه بابا قد يؤدي به إلى الكفر والخروج من الإسلام وهو جاحد لنعمة الله عليه فالله عز وجل الذي أنعم عليك بنعمة الإسلام وبنور الإيمان وجعل لك فؤادا وعقلا وأعطاك صحة وقوة وسمعا وبصرا وأسبغ عليك نعمة ظاهرة وباطنة تكريما لك وتشريفا وأنت ترفض أن تركع له ركوعا وأن تسجد له سجودا إنها في الحقيقة لا من المصائب العظمى والبلايا الكبرى في هذا الزمان أن تجد الرجل أو المرأة قد بلغ العشرين أو الثلاثين أو الأربعين ولا تعرف له صلاة ولا تعرف له ركوعا ولا سجودا أو تجده قد جاوز الخمسين أو حتى الستين ولم يسجد لله سجدة واحدة والعياذ بالله. الحديث الخفاة صلى الله عليه وسلم sont nombreux. La première chose par laquelle sera jugé l'être humain le jour du jugement sera sa prière. Si elle est bonne, alors l'ensemble de ses actes seront bons. Et si elle est mauvaise, alors l'ensemble de ses actes sont mauvais. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse a alors mécru. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui délaisse sa prière volontairement, eh bien Allah azza wa jalla se désavoue de lui. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a entre l'homme et la mécréance et le polythéisme que le délaissement de la prière. Et sachez que les savants ont divergé sur le jugement de celui qui ne prie pas. Est-il musulman ou n'est-il pas musulman? Ils sont unanimes sur le fait que c'est un pervers, sur le fait qu'il est en danger et que s'il meurt dans cet état, il a de fortes chances de séjourner en enfer, wal'iyadu billah. Et le sujet de divergence est sur celui qui délaisse la prière tout en admettant son obligation. Est-il un non-musulman ou est-il musulman? Beaucoup de savants considèrent que celui qui ne prie pas n'est pas un musulman. Wal'iyadu billah. Ne tenez pas dans cette situation, chers frères et chères sœurs, dans une situation dans laquelle tu as un pied en islam et un pied dans la mécréance. Pourquoi descendre aussi bas? Pourquoi prendre un risque aussi grand? Car ce n'est pas de l'argent que tu mets en jeu. Ce n'est pas des biens que tu mets en jeu. Ce n'est pas ta vie d'ici bas que tu mets en jeu. Mais c'est bel et bien la vie éternelle de l'au-delà que tu mets en jeu. Tu risques de rester éternellement en enfer, wal'iyadu billah, si tu n'accomplis pas la prière. Et ne sois pas dupé par le grand nombre de personnes qui ne prieraient pas, car par Allah, ils ne te seront d'aucune aide et ils ne t'apporteront aucun secours le jour où il n'y aura d'aide que celle d'Allah et le jour où il n'y aura d'ombre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. De délaisser la prière est donc quelque chose de gravissime qui peut emmener la personne à tomber dans la mécréance. Wal'iyadu billah. Allah Azza wa Jal te comble de bienfaits. Allah Azza wa Jal a fait de toi un musulman. Il t'a comblé de bienfaits, subhanahu wa ta'ala. Il t'a donné un cœur. Il t'a donné une raison. Il t'a donné une santé. Il t'a donné une force. Il t'a donné une ouïe et une vue, subhanahu wa ta'ala. Et il t'a comblé de bienfaits que si tu étais amené à les énumérer, tu ne parviendrais pas à y mettre un chiffre. Et en retour, tu ne te prosternes même pas pour Allah Azza wa Jal. Tu ne fais pas ne serait-ce qu'une seule inclinaison. Il est malheureux de voir à notre époque que des personnes qui ont la vingtaine d'années, 30 ans, 40 ans, ne prient pas, ne se prosternent pas pour Allah Azza wa Jal. Alors que lorsque tu les vois, ils semblent heureux, ils ne manquent de rien, ils travaillent, ils ont la santé, ils sont mariés, ils ont des enfants, mais ils ne sont pas reconnaissants vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. N'as-tu pas honte d'être ingrat envers celui qui t'a comblé de bienfaits, subhanahu wa ta'ala? Et il est malheureux de voir que des personnes âgées qui ont 50 ans, 60 ans ou plus ne sont même pas prosternées une seule fois pour Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: أي لما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم، كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة. فإن قضية الصلاة لأمر جلل ولا يستهان بها، لا في حالة الجزع ولا في حالة الملل ولا في الصغر ولا في الكبر ولا في الشدة ولا في الرخاء. فخذوا أيها المسلمون بأيدي إخوانكم وأهليكم وأبنائكم بالنصيحة والتعليم والإرشاد والتوجيه في أمر الصلاة. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقد امتدح الله إسماعيل عليه السلام بقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة. الله عز وجل دي: Le jour où l'on dévoilera un mollet et qu'il leur sera demandé de se prosterner, ils n'en seront pas capables. Leurs regards seront terrifiés et ils seront pris d'une humiliation, alors qu'auparavant on leur avait demandé de se prosterner alors qu'ils étaient sains de toute maladie et de tout défaut. Al-Imam Ibn Kathir, rahimahullah, a dit, lorsqu'il a expliqué ce verset, que ces gens qui, le jour du jugement, il leur sera demandé de se prosterner, mais ils ne pourront pas. Leur dos sera comme une barre de fer qui sera inflexible. Et l'Imam Ibn Kathir, rahimahullah, a dit, lorsqu'ils étaient appelés à se prosterner dans cette vie d'ici-bas, ils ont refusé de le faire alors qu'ils étaient en pleine santé, alors qu'ils étaient en paix. Ainsi, ils seront châtiés le jour du jugement lorsqu'on demandera aux gens de se prosterner et que ces personnes ne se prosterneront pas. Il faut donc prendre la main de ton frère. Et les musulmans et musulmanes doivent s'entraider mutuellement et se conseiller mutuellement. Ils doivent conseiller leur famille, conseiller leurs propres personnes, conseiller leurs enfants, leur porter le conseil bénéfique, l'enseignement bénéfique et les directives bénéfiques concernant la prière. Car Allah Azza wa Jalla a ordonné son prophète en disant: et ordonne à ta famille d'accomplir la prière et redouble de patience. Ce n'est pas une chose simple et aisée d'ordonner à tes enfants de faire la prière tous les jours, jour après jour, de rabâcher le même discours, de les éduquer. L'éducation est quelque chose qui n'est pas simple. Cela demande des efforts. Pour cela que le prophète Allah Azza wa Jalla a dit à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam de redoubler de patience. Mais il ne faut en aucun cas lâcher prise. Car le jour où tu délaisseras, le jour où tu n'ordonneras plus à tes enfants et à ta famille de prier, eh bien sache que ils délaisseront celle-ci. Et que pensez-vous d'une personne qui en est arrivée au point de ne plus prier? Va-t-il s'empêcher de faire autre chose? Va-t-il s'empêcher de commettre d'autres péchés? Par Allah, rien ne l'en empêchera, sauf si Allah Azza wa Jal le fait entrer dans sa miséricorde et lui accorde la foi suffisante pour que celle-ci soit un obstacle entre lui et les péchés. Quant à celui qui ne prie pas, c'est aisé pour lui. Ce n'est pas une chose grave pour lui de forniquer. Ce n'est pas une chose grave pour lui de consommer de la drogue. Ce n'est pas une chose grave pour lui de boire de l'alcool. Tout ceci n'est pas si grave que ça. Et même s'il fait tous ses péchés, il a commis l'un des plus graves, à savoir la prière. Et c'est le prétexte de beaucoup de jeunes, malheureusement, qui disent « Non, je ne prie pas, car j'ai fait beaucoup de péchés à côté. Non, je ne veux pas prier, je ne me vois pas aller à la mosquée, alors que je continue à boire de l'alcool, ou je continue à fumer du cannabis ou autre. » Sache que la prière aide à arrêter le mal. Et que si tu commences ta prière, petit à petit, tu verras que tu t'éloigneras de tous ces péchés. Et qu'Allah Azza wa Jal te fera détester sa désobéissance. Et demande à Allah Azza wa Jal dans ta prosternation. Car le moment dans lequel tu es le plus proche d'Allah Azza wa Jal, c'est sans aucun doute lorsque ton front est posé sur terre. Lorsque ton front est posé sur terre, regarde cette image que nous a donnée le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es dans une des positions les plus basses, à savoir le front à terre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a affirmé que c'était le moment dans lequel nous étions le plus proches de notre Seigneur. Et qu'il fallait profiter de ce moment pour demander à Allah azza wa jal ce dont on a besoin dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Si tu bois de l'alcool, si tu fréquentes les filles, et que tu n'arrives pas à t'en abstenir, commence déjà à prier. Accomplis ta prière. Demande à Allah Azza wa Jal de t'aider. Car Allah Azza wa Jal, lorsque tu vas vers lui en marchant, il vient vers toi en courant, subhanahu wa ta'ala. وَأَخْتِمُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنفُسَكُمْ وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Oh vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sont les gens et les pierres. Il y a là-bas, c'est-à-dire en enfer, des anges extrêmement durs qui ne désobéissent jamais à Allah dans ce qu'il leur ordonne et qu'ils font strictement ce qu'Allah Azza wa Jal leur ordonne de faire. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأله عز وجل أن يهدي المسلمين إلى الرشد وأن يهدي شباب الإسلام. اللهم اهد شباب الإسلام. اللهم وفقنا لإقامة الصلاة. اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا. اللهم يا الله اجعل الصلاة راحة بالنا وراحة قلوبنا وراحة أرواحنا يا قوي يا عزيز. اللهم أعنا على الأمر بالصلاة والنهي عن تركها. اللهم أعنا على الأمر بالصلاة وعن النهي عن تركها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.